Chapitre 25. Que pour bien combattre les ennemis, le soldat du Christ doit éviter avec tout le soin possible ce qui est de nature à troubler la paix de son cœur. S'il n'y a point d'effort que nous ne devions faire pour recouvrer la paix du cœur quand nous l'avons perdue, il n'y a point non plus d'accident au monde qui doive raisonnablement nous la ravir ou même la troubler. Nous devons, sans doute, avoir le regret de nos fautes, mais, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, ce doit être une douleur paisible et modérée. Nous devons également avoir une tendre compassion pour les autres pécheurs et pleurer leurs fautes au moins intérieurement. Mais tout cela encore doit se faire sans inquiétude d'esprit. Pour ce qui regarde les autres maux auxquels nous sommes sujets, tels que la maladie, les blessures, la perte de nos proches, la peste, la guerre, les incendies, et tant d'autres accidents par lesquels les hommes éprouvent une horreur instinctive, nous pouvons, moyennant le secours de la grâce, les accepter non seulement avec résignation, mais même avec amour. Il suffit pour cela que nous les regardions comme autant de châtiments équitables infligés aux pécheurs et d'occasions de mérite offertes aux justes. Ces deux considérations font que Dieu même prend plaisir à nous éprouver. Et si nous savons nous conformer à sa volonté sainte, nous traverserons l'esprit paisible et tranquille toutes les contrariétés et les amertumes de la vie. Tenez pour assuré que toutes nos inquiétudes déplaisent aux yeux du Seigneur, parce que, quelle que soit leur nature, elles sont toujours accompagnées d'imperfections et procèdent d'une mauvaise racine d'amour-propre. C'est pourquoi il vous faut avoir une sentinelle toujours éveillée qui, à la première apparition d'une cause quelconque de trouble et d'inquiétude, s'empresse de vous donner l'éveil, afin que vous vous armiez pour la défense, en considérant que tous ces maux, et beaucoup d'autres du même genre, ne sont que des maux apparents, qu'ils sont impuissants à nous enlever les biens véritables, et que Dieu les envoie ou les permet pour les fins que nous avons indiquées plus haut, ou pour d'autres raisons cachées à nos yeux, mais assurément très équitables et très saintes. Si nous conservons, au milieu des accidents même les plus fâcheux, cette tranquillité d'âme et cette paix inaltérable, nous pourrons faire beaucoup de bien. Sinon, nos efforts n'auront que peu ou point de succès. Notre ennemi déteste souverainement cette paix du cœur, car il sait que l'Esprit de Dieu choisisse ses jours pour y opérer de grandes choses. Ainsi, il n'est point d'effort qu'il ne fasse pour nous ravir ce précieux trésor. Le plus souvent, il vient à nous, inspire des désirs excellents en apparence, mais dont la nature réelle se reconnaît à plusieurs marques, et c'est avec celle-ci spécialement qu'il nous enlève la paix du cœur. Si vous voulez prévenir un mal si dangereux, gardez-vous bien, quand la sentinelle vous avertira de la présence d'un nouveau désir, de lui ouvrir immédiatement l'entrée de votre cœur. Dépouillez-vous auparavant de toute volonté propre, présentez ce désir à Dieu et, confessant votre aveuglement et votre ignorance, priez-le instamment de vous faire connaître, au rayon de sa lumière, s'il vient de lui ou de votre ennemi. Recourez en outre, si vous le pouvez, à l'avis de votre Père spirituel. Alors même que vous auriez la certitude que ce désir vient de Dieu, ne le mettez pas à exécution, que vous n'ayez auparavant mortifié votre ardeur excessive. Votre bonne œuvre, précédée de cet acte de mortification, plaira beaucoup plus au Seigneur que si vous vous y portiez avec l'empressement qui vous est naturel. Bien plus, il arrivera parfois que la mortification lui sera plus agréable que l'œuvre même. En chassant ainsi loin de vous les désirs mauvais, et en exécutant les bons qu'après avoir réprimé les mouvements de la nature, vous parviendrez à maintenir en paix et en sécurité la forteresse de votre cœur. Pour conserver cette tranquillité parfaite, il faut en outre défendre et garder votre cœur contre certains remords de conscience qui, par le fait même qu'ils vous reprochent un défaut véritable, semblent être inspirés par Dieu, tandis qu'en réalité ils vous viennent du démon. Vous reconnaîtrez le principe aux effets qu'il produit, si ce reproche vous humilie et augmente encore votre ferveur pour le bien, s'il ne vous ôte point la confiance que vous avez en Dieu. Vous devez les recevoir avec action de grâce, comme des faveurs du ciel. Mais s'ils vous troublent, s'ils vous rendent timides, défiants, paresseux et sans vigueur pour le bien, tenez pour certain qu'ils viennent de l'ennemi. Partant, méprisez-les et continuez votre exercice. En outre, comme l'inquiétude naît le plus souvent en notre cœur à la suite d'événements fâcheux, vous avez, pour repousser ces attaques, deux choses à faire. La première, c'est de considérer et de voir à quoi ces accidents sont contraires, si c'est à l'esprit de perfection ou bien à l'amour-propre et aux inclinations de la nature. S'ils sont contraires à vos penchants et à l'amour-propre qui est votre ennemi capital et votre plus redoutable adversaire, vous devez les regarder non comme des événements fâcheux, mais comme une faveur et un secours que le Très-Haut vous envoie, et les recevoir avec des sentiments de joie et de reconnaissance. Et s'ils sont opposés à l'esprit de perfection, il ne faut pas pour cela perdre la paix du cœur, comme on le dira dans le chapitre suivant. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'élever votre esprit vers Dieu et d'accepter avec indifférence et les yeux fermés les présents que vous fait sa main miséricordieuse, persuadé que ce sont autant de faveurs infiniment précieuses, quoique vous en ignoriez présentement la valeur. Chapitre 26. De ce que nous avons à faire quand nous nous sentons blessés, quand une faute quelconque a fait une blessure à votre âme, que cette faute provienne de votre fragilité naturelle ou qu'elle ait été commise avec intention et avec malice, gardez-vous bien de vous laisser aller au découragement et à l'inquiétude. Tournez-vous plutôt vers Dieu et dites-lui « Voilà, Seigneur, que j'ai agi en misérable pécheur que je suis. Que pouviez-vous attendre de moi, hormis des chutes ?» Et, en vous arrêtant quelques instants à cette pensée, humiliez-vous à vos propres yeux, repentez-vous de l'offense faite au Seigneur, et, sans vous troubler, entrez dans les sentiments d'une juste colère contre vos passions mauvaises, et spécialement contre celle qui a causé votre chute. Poursuivez ensuite votre prière. Je n'en serais pas demeuré là, Seigneur, si vous ne m'aviez arrêté en chemin. Ici, remerciez et efforcez-vous d'aimer plus que jamais ce Dieu qui, malgré vos offenses, persiste à vous tendre une main secourable pour vous préserver de chutes nouvelles. Enfin, dites-lui avec une confiance sans borne, en son infinie miséricorde, « Seigneur, agissez à mon égard comme un Dieu que vous êtes. Pardonnez-moi ma faute et ne permettez pas que je vous abandonne pour vivre loin de vous. Faites que je ne vous offense jamais plus. Votre prière achevée, ne vous demandez pas si Dieu vous a, oui ou non, pardonné. C'est là un prétexte spécieux qui ne cache qu'orgueil, inquiétude d'esprit, perte de temps et illusion du démon. Abandonnez-vous plutôt entre les mains miséricordieuses de Dieu et continuez votre exercice comme si vous n'aviez pas fait de chute. S'il vous arrive de tomber plusieurs fois le jour, que le nombre de vos chutes et de vos blessures ne vous décourage pas. Faites ce que je vous ai dit autant de fois que vous tomberez, et avec autant de confiance la dernière fois que la première. Concevez toujours un plus grand mépris de vous-même et une plus grande horreur du péché, et efforcez-vous de vous tenir désormais mieux sur vos gardes. Le démon a cet exercice en horreur, parce qu'il est infiniment agréable à Dieu, et que lui-même en retire toujours la confusion de se voir compter par une âme qu'il avait d'abord vaincue. C'est pourquoi il emploie tous ses artifices pour nous le faire abandonner. Et il en vient souvent à bout, grâce à notre négligence et à notre peu de vigilance sur nous-mêmes. Ainsi, plus cet exercice vous présente de difficultés, plus vous devez faire effort sur vous-même pour y être fidèle. Revenez-y plusieurs fois, quand même vous n'auriez fait qu'une seule chute. Et si, après avoir commis une faute, vous vous sentez inquiet, troublé et découragé, la première chose que vous avez à faire, c'est de recouvrer la paix du cœur et la confiance en Dieu. Après vous être muni de ces armes, tournez-vous vers le Seigneur, car l'inquiétude que vous cause votre péché a bien moins pour objet l'offense faite à Dieu que le dommage qui en résulte pour vous-même. Le moyen de recouvrer cette paix si précieuse, c'est d'oublier pour un instant la chute que vous avez faite et de considérer l'ineffable bonté de Dieu, sa clémence toujours prête à oublier l'injure, toujours désireuse de pardonner l'offense, si énorme qu'elle soit, sa persévérance à appeler le pécheur et à l'exhorter de mille façons pour qu'il se jette entre ses bras qui sanctifient et dans l'autre par la gloire qui rend éternellement heureux. Après avoir, à l'aide de ces considérations ou d'autres semblables, rendu la paix à votre âme, revenez à votre chute et faites comme je vous ai dit plus haut. Enfin, quand le temps sera venu de vous approcher du sacrement de pénitence, ce que je vous engage à faire souvent, remettez-vous toutes vos chutes devant les yeux et déclarez-les à votre Père spirituel avec une entière sincérité, une vive douleur d'avoir offensé Dieu et un ferme propos de ne plus l'offenser à l'avenir. Chapitre 27. Comment le démon a coutume de tenter et de séduire ceux qui veulent s'adonner à la vertu et ceux qui vivent dans l'esclavage du péché. Le démon veut entraîner tous les hommes à leur ruine, mais il ne les attaque pas tous de la même manière. Pour vous dévoiler les moyens d'attaque et les artifices qu'il emploie, il faut que je vous mette sous les yeux les divers états où les hommes peuvent se trouver. Les uns sont esclaves du péché et ne songent nullement à sortir de leur esclavage. Les autres voudraient bien d'en sortir, mais ils reculent devant les difficultés de l'entreprise. D'autres, croyant marcher dans le chemin de la vertu, ne font que s'en éloigner. D'autres, enfin, après avoir atteint un haut degré de perfection, font une chute plus dangereuse que jamais. Nous parlerons séparément de ces différentes sortes de personnes. Chapitre 28. De la conduite du démon à l'égard de ceux qu'il tient dans l'esclavage du péché. Lorsque le démon voit une âme asservie au péché, son unique occupation est de l'aveugler de plus en plus et de la détourner de tout ce qui est de nature à lui faire connaître son misérable état. Il ne se contente pas de la détourner de toute pensée de conversion et d'opposer ses suggestions perfides aux inspirations du Seigneur. Il lui tend des pièges et l'engage dans des occasions dangereuses pour la faire tomber dans le même péché et dans de plus grands encore. L'âme ainsi aveuglée s'enfonce et s'habitue dans le péché, et sa misérable vie roule de ténèbres en ténèbres, et de crimes en crimes, jusqu'à la mort, à moins que Dieu n'étende pour la sauver sa main miséricordieuse. Le remède à ce mal, c'est, pour le pécheur qui se trouve en ce misérable état, d'ouvrir son cœur aux pensées et aux inspirations qu'il appelle des ténèbres à la lumière, et de crier à Dieu du fond de son âme. « Aidez-moi, Seigneur, je vous en conjure, aidez-moi promptement et ne me laissez pas gémir plus longtemps dans les ténèbres du péché. » Ce cri de supplication, qu'il le répète sans se lasser jamais, qu'il aille au plus tôt se jeter aux pieds d'un confesseur et lui demander l'aide et le secours dont il a besoin pour se délivrer des mains de l'ennemi. Et s'il ne peut y aller sur l'heure, qu'il se jette aux pieds de son crucifix et l'invoque le visage prosterné contre terre. Puis, se tournant vers la Vierge Marie, qu'il implore sa miséricorde et son secours. Soyez assurés que là se trouve le secret de la victoire, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant. Chapitre 29. Les artifices que le démon emploie pour retenir dans ses liens ceux qui connaissent leur mauvais état et cherchent à en sortir. Et pourquoi nos bons propos demeurent souvent sans exécution. L'arme dont le démon se sert pour tromper et vaincre ceux qui connaissent le mauvais état de leur conscience et veulent changer de vie, c'est cette pensée « Je me convertirai plus tard ». Et ils s'en vont répétant le cri du corbeau « Cra, cra, demain, demain ». Je veux, disent-ils, terminer d'abord cette affaire, sortir de cet embarras. Après quoi, je m'adonnerai plus tranquillement à la vie spirituelle. C'est là un piège auquel beaucoup se sont laissés prendre. Et se laisse prendre encore tous les jours. Ce qui les fait ainsi succomber au piège du démon, c'est cette torpeur et cette paresse d'esprit qui les empêche, dans une affaire où le salut de notre âme et l'honneur de Dieu sont engagés, de prononcer enfin cette parole victorieuse. Maintenant, maintenant. Et pourquoi plus tard? Aujourd'hui? Et pourquoi demain? Ne devrait-il pas se dire, quand même ce plus tard et ce demain me seraient assurés, est-ce un moyen de faire mon salut et de me préparer à la victoire que de me jeter au-devant des traits de l'ennemi et de me précipiter dans de nouveaux désordres? Vous voyez donc que le moyen d'éviter cette illusion et celle dont il a été question au chapitre précédent, le moyen de triompher de l'ennemi, c'est la prompte obéissance aux pensées et aux inspirations divines. Je parle d'obéissance prompte et non de simples propos, car les propos sont trompeurs, et ils ont trompé bon nombre de personnes pour plusieurs raisons. La première que j'ai touchée plus haut, c'est que nos résolutions ne sont pas fondées sur la défiance de nous-mêmes et la confiance en Dieu, et qu'ainsi, nous ne parvenons pas à découvrir en nous ce fond d'orgueil qui est le principe de notre illusion et de notre aveuglement. La lumière pour connaître ce mal et le remède pour le guérir nous viennent de la bonté divine. Le Seigneur permet que nous tombions, afin que notre chute nous fasse passer de la présomption à la confiance en Dieu et de l'orgueil à la connaissance de nous-mêmes. Si nous voulons que nos résolutions soient efficaces, il faut les rendre fermes. Et elles seront fermes quand elles auront pour base la conviction de notre impuissance et une humble confiance en Dieu. La deuxième raison, c'est que, dans les résolutions que nous prenons, nous ne considérons que la beauté et l'excellence de la vertu. Notre volonté, si lâche et si faible qu'elle soit, se sent attirée vers elle. Mais à la vue des difficultés qu'il faut vaincre pour l'acquérir, elle se rebute et retourne en arrière. Accoutumez-vous donc à aimer davantage les difficultés que présente l'acquisition des vertus que les vertus elles-mêmes. Pensez à ces difficultés, tantôt plus, tantôt moins, mais ne les perdez jamais de vue si vous voulez que vos efforts soient couronnés de succès. Sachez du reste que vous remporterez sur vous-même et sur vos ennemis une victoire d'autant plus prompte et plus éclatante que vous embrasserez plus généreusement les difficultés et que vous les aimerez davantage. La troisième raison, c'est que nos résolutions ont moins la vertu et la volonté de Dieu pour objet que notre intérêt propre. Ce défaut se remarque surtout dans les résolutions que nous prenons d'ordinaire quand nous sommes comblés de consolations spirituelles, ou bien encore lorsque l'adversité nous presse de toutes parts, et que nous ne trouvons d'allègement à notre douleur que dans le propos de nous donner entièrement à Dieu et de nous consacrer sans réserve aux exercices des vertus. Pour éviter ce défaut, soyez, à vos moments de ferveur spirituelle, humble et circonspect dans vos résolutions, et plus encore dans vos promesses et vos vœux. À vos heures d'affliction, proposez-vous uniquement de porter votre croix avec la patience que le Seigneur attend de vous, et de mettre en elle toute votre gloire, au point de refuser les consolations humaines, et parfois même les consolations divines. La seule chose que vous devez désirer et demander, c'est que Dieu vous aide à supporter l'adversité, sans blesser la vertu de patience et sans déplaire au Seigneur. Chapitre 30. Comment le démon persuade à plusieurs qu'ils avancent dans la voie de la perfection. Vaincu dans le premier et le second assaut, l'esprit malin recourt à un autre stratagème. Il cherche à nous faire oublier les ennemis qui nous attaquent et nous font actuellement essuyer de grands dommages pour occuper notre esprit de désirs et de projets de haute perfection. Il en résulte que nous négligeons les blessures que nous recevons continuellement et que, prenant nos résolutions pour des œuvres, nous nous laissons entraîner à toutes les séductions de l'orgueil. La moindre contrariété, la moindre injure nous irrite et nous perdons un temps considérable à méditer des projets héroïques comme celui de souffrir pour l'amour de Dieu les plus horribles tourments, voire les peines du purgatoire. Et comme la partie inférieure de nous-mêmes n'éprouve aucune répugnance pour ces maux éloignés, nous avons, tout misérables que nous sommes, l'audace de nous comparer à ceux qui souffrent, avec une patience infatigable, les plus affreux supplices. Pour éviter ce piège, proposez-vous de combattre, et combattez effectivement, les ennemis qui vous attaquent de près. Vous reconnaîtrez par là si vos résolutions sont vraies ou fausses, fortes ou faibles, et vous marcherez à la perfection par le chemin que les saints nous ont frayé. Pour ce qui est des ennemis qui ne nous inquiètent pas d'ordinaire, je ne vous conseille pas de leur livrer combat, à moins que vous ne prévoyiez une attaque prochaine. Vous pouvez alors, pour vous mettre en état de soutenir la lutte, former d'avance quelques résolutions. Quand même vous vous seriez exercé durant quelque temps à la pratique des vertus, ne prenez jamais vos résolutions pour des victoires, mais tenez-vous dans l'humilité. Défiez-vous de vous-même et de votre faiblesse, et, vous confiant en Dieu seul, demandez-lui instamment de vous fortifier, d'éloigner de vous tout péril, et d'étouffer en vous tout sentiment de présomption et de confiance en vos forces. Dans ces conditions, la difficulté que nous éprouvons à surmonter quelques légers défauts que Dieu laisse parfois subsister en nous pour nous convaincre de votre faiblesse et nous conserver le mérite de nos bonnes œuvres, cette difficulté, dis-je, ne doit pas nous empêcher de tendre à une plus haute perfection.